changé après avoir reçu l'amour comme un cadeau, après avoir touché ce qu'il y a de plus haut. Pour lui j'ai changé, changé après avoir touché le satin de sa peau, après avoir scié le dernier des barreaux. Pour elle j'ai changé, changé pour que l'amour arrive, changé pour que la passion nous délivre, pour qu'un jour notre histoire soit écrite dans le livre. Changé, changé pour que l'amour s'étende des forêts de Shanghai à l'Irlande, pour qu'il n'y ait que l'amour quand il faudra se rendre. Changer, changer pour pouvoir dire un jour que je l'ai trouvé, le parfum de l'amour, et je l'ai gardé. Pour lui, j'ai changé, changé. Quand on est devenu le dernier des hommes, pour s'être cru le roi quand on est personne. Pour elle, j'ai changé, changé pour que l'amour arrive.